Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit d'une grandeur solitaire. Mais pourquoi faire être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la quotidien, un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui ne mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. Être à la hauteur sans jamais en descendre, et ne pas se défendre de vouloir en vainqueur. Être à la hauteur autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur d'être à la hauteur, à la hauteur, à la hauteur. Être à la hauteur autrement que mortel, enfin ne plus répondre à l'appel, ne plus avoir peur d'être à la hauteur.